Je me lève le matin dans le miroir du destin et je fais de mon visage l'ombre de mon âme. Je rêve de ce monde où personne se verrait, attiré que par les ondes et l'on leur fasse cacher. Les gens ne s'aiment plus que par les magazines, les rivières ou la télé tournent à plein régime. Ces gens veulent être bons dans un monde sans beauté, alors je serai moche dans un monde de pureté. J'ai croisé un homme, on prenait pour un monstre avec sa gueule cassée, qui a bien plus d'histoire que ces femmes maquillées, qui est bien plus beau que ces hommes sapés. Je me lève le matin et je suis révolté par cette poussière dans mon yeux. Je ne peux plus respirer. Celle qui...